regard des autres, je me fous des qu'en dira-t-on. Je me fous que la vie soit nôtre, je me fous de ces foutues prisons. Sans vie et sans âme, rendez les armes. Sans vie et sans âme, rendez les armes. Je me fous du regard des autres, je me fous du rez-de-chaussée. De ces fausses notes que la foule ne saurait ignorer. En toute impudeur, sans aucune rancœur. En toute impudeur, sans aucune rancœur. Je me fous du regard des autres et de tout se laisser aller. Je me fous de toutes ces routes qui me font perdre mon horizon et qui n'ont jamais su me guider. Le sentier emprunté. Je me fous du regard des autres, je me fous des a priori. Des pensées des autres et de tout ce qu'ils font de leur vie. Totale ignorance, simple évidence. Totale ignorance, simple évidence. Je me fous du regard des autres et de tout se laisser aller. Je me fous de toutes ces routes qui me font perdre mon horizon et qui n'ont jamais su me guider. Quel que soit le sentier emprunté, quel que soit le sentier emprunté. Se laisser aller. Je me fous de toutes ces routes qui me font perdre mon horizon et qui n'ont jamais su me guider, quel que soit le sentier emprunté. Je me fous du regard des autres et de tout se laisser aller. Je me fous de toutes ces routes qui me font perdre mon horizon et qui n'ont jamais su me guider. Quel que soit le sentier emprunté.